Les masses médias de divers pays ont traité les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse japonaise Kyodo, les pages internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjongisme et du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique et l'homepage internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont présenté son inspection de l'entreprise halieutique numéro 15 de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse TASS et la radio Sputnik de Russie, le réseau radio international de Chine, l'agence de presse japonaise Jiji et l'homepage internet du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique ont rapporté sa présence aux épreuves de ski Massignon 2016. Le quotidien de Liaoning, le quotidien de Heilongjiang de Chine, le journal brésilien Orado Pobo et l'homepage internet du Nigeria, du Congo démocratique et d'Allemagne ont traité sa visite au Palais du Soleil de Kumsusan pour rendre hommage au dirigeant Kim Jong-il et sa participation au rassemblement au niveau central pour le 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il. Le journal uruguayen La Juventud a présenté son inspection de la centrale Kunming de Wonsan et l'homepage d'internet allemand a inséré avec cette nouvelle la nouvelle que le maréchal coréen s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Les masses médias de divers pays ont présenté également les photos du maréchal.